Je me rappelle de ce visage éclairé par le soleil, les nuages. Tu fermais un œil, l'autre était lissé. Cet amour qui aveugle nous a brisés. Et je sais à quel point c'était magique quand tout est beau, les souvenirs persistent. Entre nous.